Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu de problème avec le test, continuons la conversation à la réception. Les Galeries Lafayette. Pardon, madame. Excusez-moi, monsieur Wickham, madame Andel. Un instant, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, monsieur. Merci, madame. Madame Mathieu, vous désirez ? Les Galeries Lafayette. Vous pouvez me donner l'adresse et le numéro de téléphone, s'il vous plaît ? Les Galeries Lafayette. Tout de suite, madame. L'adresse, c'est le numéro 40, boulevard Haussmann. Et le numéro de téléphone ? Vous avez un stylo ? Je veux écrire le numéro. Oui, madame. Voici un stylo. Et du papier ? So, the address of the department store... Les Galeries Lafayette... ...is... 40 Boulevard Haussmann. Number 40 in the Boulevard Haussmann, one of the main shopping streets in Paris. It's near... L'Opéra. The famous Paris Opera. Boulevard Haussmann. C'est près de l'Opéra.